voir illusante. Je crois devenir sans joie. Il y a tant de choses à faire. Si elle reste sous toi, mais je sais pas dire je t'aime. Je marche plus droit et je sais pas.